بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمد مدينة أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره واكتفى، أما بعد، إن شاء الله on révise vite fait la leçon numéro 6 ou 7, c'est combien ? La numéro 7, on a pu voir dans la numéro 7, la leçon numéro 7. Tamam. Tilka. Donc tilka, c'est comme zalika. Sauf que tilka, c'est pour démontrer une chose féminin. Tamam. Et c'est comme zalika. C'est comme zalika, c'est-à-dire que c'est un ism. اسم إشارة. تمام. بعدين ليل مؤنث لمؤنث مفرد المفردة المفردة للبعيد للبعيد. تمام. كاس كي البعيد في لا ديستانس pour loin. Lorsque tu es tilka, يعني ce mahro, c'est bonne chose qui est distance. تمام. C'est quoi qui exprime la distance dans tilka? La. Qu'est-ce qui exprime la distance? Non. Dans tilka. Ouais. Le cas, c'est le khitab, le lam et le bout. C'est le ti. Là, le lam et le bout, tu viens de dire. Qu'est-ce qui exprime la distance? Le bout. Le lam. T'as vu? Et c'est quoi l'ismoul ishara dans tilka? Ismoul ishara? Ah, dans tilka, là, c'est lequel? C'est le tout ou bien c'est. C'est le ism ishara? Ah, le dedans, là, dans tilka. Ti. T'as vu? Comment tu écris ti? Tu l'écris ta ou lia. Ah, ok, lia. لماذا إلا الحذفات؟ بقول لك تسبرمي. سكينتين. يسون السكينة. يعني دخلوا. أوي. فوق التاء والياء. فوق. التاء والياء. التاء. تي. نعم. اللام والياء. واللام والياء. يعني donc il y a voilà deux sakines qui se sont rencontrées. Et la règle c'est que lorsque c'est comme ça. Il y a pas une chedda normalement. Non, tu peux pas mettre une chedda. Parce qu'une chedda, comme j'ai dit, c'est que c'est une ibara, c'est comme s'il y avait deux lettres. Quand tu dis, c'est comme si tu mettais deux dents. Le premier, il a une soukoune, et le deuxième, il doit être il doit avoir une voyelle. Là, les deux, ils ont une voyelle. Ils ont une soukoune, je veux dire. Là, les deux ont une soukoune, donc là, ça, tu ne peux pas mettre deux. Et aslan, c'est lorsque il y a une shadda, c'est entre deux mots qui sont pareils. Deux lettres qui sont pareilles. Tu ne peux pas mettre une shadda avec le ra et l'em. Ça, c'était pas. À part dans tajwid, comme vous allez voir, avec le min et ra. Mir rabbihim. Tu ne dis pas min rabbihim. Lakin, ça c'est une autre règle, c'est dans Tajwid. Là, on a fait une annexion, on a fait plutôt on a joint le Noun avec le Ra, et on a fait de ces deux lettres, il y en a deux Ra. Mais sinon, c'est obligé que, quand tu veux mettre une Shadda, t'es obligé que les deux lettres soient pareilles. D'accord. Ah, mais la personne, il peut se dire. Ouais, deux lettres pareilles. Il peut se dire, il y a deux lettres pareilles, il faut que, un des deux, il y a une Sukun, et le deuxième, il y a une Mutharrik. La personne peut te dire, mais comment tu. Qu'est-ce que tu réponds à Mir Rabbihim? Il dit, le Noun et le Ra, ils ont été. Ça, c'est dans Tajwid, c'est une autre chose. Donc, le tilka, c'est pour exprimer la distance. C'est tout ce qu'il y avait, Wallahu A'lam, dans ce cours. Ouais. Donc, on va faire vite fait de l'exercice. On va faire un cours aujourd'hui. Hein. Pas trop. Hein? Petite demi-heure. Là. Et quelle heure, là? 6h21. 21. Jusqu'à 5 ans. Tu vois? Donc, avec les exercices un petit peu, les exercices. On le fait à... Ceux qui sont à l'oral, on va faire à l'oral. Donc là, on va faire, on va lire un petit peu, on va faire des exercices à l'oral de la leçon numéro 7, tu vois. Donc, il y en a parmi les exercices. L'exercice numéro, ouais. Leçon numéro 6, Inch'Allah, on va le corriger plus tard. On va faire la 7, histoire de se rappeler un petit peu des cas et tout ça. Donc là, l'exercice numéro 2, tu vois. L'exercice numéro 2, la leçon numéro 7. Il nous dit, Ashir ila al-kalimati al-atiyati bismi isharatin lil-ba'id. Donc il dit, yani, démontre, yani, les mots qui suivent là, les mots qui sont énoncés, démontre-les avec le ismu ishara qui est utilisé pour la distance, pour une chose qui est distante. Donc yani, il faut faire attention, comme on a dit, tu utilises l'alika pour certaines choses et tilka pour certaines choses. C'est même om. Tu veux, tu dis, tiens, tu diras comment? Tilka? Tilka om. Omun. Baden? Le deux? Dhalika abun. Dhalika abun. Tam, qalam? Enfin, une question. Il a mis tilka omun. Omun, pourtant, il n'y a pas un terme, mais ça reste féminin parce que c'est une femme. Ah, comme Zainab. Tout ce qui est féminin. Ça, c'est quoi ça? C'est un mot annaf, marnawi. Et il a le sens du féminin. Il y a le ma'nawi et le lafzi ma'nawi. Ou le ma'nawi et le lafzi, juste comme ça. Zalika qalam. Qalamu? Qalamu. Qalamu. Mal'aqata? Qalamu. Zalika qalam. Zalika qalam. Hadi mal'aqa? Tilka mi'laqatu. Mil. Mil. Tamam. Donc ceci est une cuillère. Aynun. Pourquoi tu n'as pas dit Zalika? Il n'y a pas tellement longtemps. C'est un père. Il y a deux. Ouais. En fait, ce n'est pas pluriel, mais c'est qu'il y a deux. C'est féminin. C'est féminin. Tous les membres du corps qui sont par deux, tu as même doublé, c'est féminin. Tu as même. Hajarun. Zalika Hajarun. Le reste, c'est. C'est tout le temps. C'est tout bas, c'est la même chose. Tu as même. Le principe, vous l'avez compris, donc. On passe à la même chose. Kalimat jadida, il nous dit al-mumarridatu. Donc on a pu le voir, c'est l'infirmière. Al-mumarrida, on l'a vu, c'est l'infirmière. Al-hadiqa, c'est le jardin. Un espace vert. Al-hadiqa, hein? Voilà, ça peut être hadiqa, ça peut être un parc, ça peut être. Généralement, c'est utilisé pour un endroit, il y a des endroits de détente, tu vois, si tu veux. Al-battatu, al-batta, c'est le. Canard. Je sais pas pourquoi je l'ai encore dans le cabinet. Parce que je regarde. J'avais dit que je regardais, j'ai pas regardé. El mu'adhdhinu, c'est mu'adhdhin. Traduit, on traduit pas. Celui qui appelle à la prière. Tam al-naqatu, la chamelle. La chamelle, toi. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa sukuyaha. La chamelle. Al-baydatu, laf. Tamam. Donc l'exercice numéro 2, il dit iqra wa ktub. Vas-y, lisez. Premier. Hadihi. L'exercice numéro 1. هذه مدرسة وتلك جامعة تم هذه مدرسة c'est quoi comme type de phrase là c'est t'as le choix entre deux en français si tu veux pas en arabe c'est une nominale une phrase nominale et une jumla ismiya qu'est-ce qui t'a poussé à dire ça parce qu'il n'y a pas de fi'l déjà, il a montré quelque chose. Il a commencé par un nom, qui est Hadihi. Il est le khabar, il est le mubtada dans cette phrase-là. Si jamais c'est une phrase nominale, donc forcément il y a mubtada et un khabar. Il est le mubtada et il est le khabar. Donc Hadihi madrasatun. Est-ce qu'il est déjà en train. Commence directement par le khabar. Si tu as trouvé le khabar, le mubtada par élimination. Commence pas à chercher le mubtada parce qu'il faut que tu trouves déjà celui qui a acquis autour de qui il tourne l'information. C'est Hadihi. Le Mubtada, c'est Hadihi. Pourquoi? Parce qu'il est déjà souvent au début. Tout en début, ouais. Ça c'est bien. Et deuxième, surtout la norme qui est plus importante. Parce que si tu supprimes. Non, parce que l'information elle tourne autour de Hadihi, de ce que tu as démontré. Ouais. Là tu es en train de dire Hadihi, Madras, tu es en train de porter une information sur la chose que tu es en train de démontrer. Ouais. Et même si tu le supprimes, là, c'est la non, parce qu'on avait dit, Masalan, lorsque tu peux supprimer une chose, avec un dalil, tu vois. Même si jamais c'est une chose que Aslan, d'origine, tu vois, elle n'a pas été supprimée. Mais s'il y a un truc qui un indice, tu peux le supprimer. C'est-à-dire que cette alama là, ce signe-là, dans certains cas, tu ne peux pas le t'attacher avec celui-là. Amma, que l'information elle tourne autour de Fulan, ça c'est Daïman. Qu'il soit supprimé, qu'il soit sous-entendu, qu'il soit présent, Daïman, l'information elle tourne autour de du Mubtada. C'est-à-dire que toi, il faut que tu focalises directement sur ce signe-là. L'alama, l'aoula que tu dois chercher, c'est autour de qui l'information elle est portée. Où est l'information et autour de qui l'information elle est portée. Khalas. Si tu as trouvé ça, c'est halal. Ça, c'est la norme que si jamais tu la trouves, elle ne saute pas d'exception. Daïman, tu vas trouver directement le Mubtada al-Khabar. Ah, mais si tu cherches, est-ce que tu peux supprimer ou pas? Des fois, tu vas tomber sur des cas où il est possible de supprimer le khabar hatta, ou de supprimer le mubtada. Comme on a dit, manja ou manja lesun, taqul Muhammad. Et le khabar, sous-entendu. Anija, tamam. Et le contexte de la phrase, il indique que comment ça s'appelle? Il est assis. Donc le premier truc que vous regardez, c'est l'information. Autour de qui à toi? Si tu as trouvé, c'est le mubtada. Donc l'autre, c'est le khabar. Tamam. Donc c'est la même chose. Bardin. وَتِلْكَ بَقَرَةٌ نعم. وَلَا الْمُبْتَدَى وَلَا الْخَبَرْ دَنْ تِلْكَ بَقَرَةٌ Le Mubtada, ben, c'est Tilka. Pourquoi? Parce que l'information tourne autour de lui, Tilka. Tilka quoi? Tu es en train de démontrer c'est quoi l'information? Tu es en train d'apporter l'information que ce que tu démontres c'est une vache. Donc c'est Tilka, c'est quoi? C'est Mubtada. Mais Mubtada, on a dit que il faut que ce soit un nom. C'est un nom, Tilka Sam? Non, Daïman. Oh, attention. C'est des asma. Parce que c'est obligé, c'est une phrase nominale. Ouais, mais là. C'est une phrase nominale, donc c'est obligé que ce soit non. C'est une phrase nominale, c'est un peu. Non, je veux dire, on n'a pas écrit que dans même dans le tableau, on n'a pas écrit Mais c'est compris dans le sens où, comme on a dit à la fin, que Mubtal al-Khabar, c'est une jumla ismiya. Ismo et Charles. Voilà. T'aurais pu répondre par ça aussi. T'as hadihi madrasatun. Non, tu peux comprendre une leçon, mais après là c'est tadbir. Le fait de l'appliquer. C'est une autre chose. Hadihi madrasatun wa tilka talibatun. Le but c'était que toi tu lises. Donc tu feras l'autre. Ouais, je sais, mais j'ai voulu faire. Vas-y, lis le numéro 3. C'est à moi. Numéro 3. ذلك مسجد مسجد نعم لا تلك مدرسة مدرسة تمام أذلك مسجد إلى المبتدا أو إلى الخبر المبتدا بس أذلك سي سي كاني on je sais parce que comment t'as pensé non mais c'est pas déjà je sais pas c'est une phrase nominale ça attends oui il est le verbe il n'y en a pas mais ce qui commence par un verbe non le A c'est quoi c'est un ism c'est un harf c'est un verbe c'est un harf déjà non istifham donc déjà tu peux être sûr et certain que c'est pas lui le mubtada pourquoi parce que c'est un harf tu peux pas apporter d'information sur un harf tu peux déjà le mettre à la poubelle donc il montre plus qui d'accord ouais mais comme il y a des choses en arabe qui prennent toujours la première position. Maintenant, il y a les outils que tu vas prendre pour t'interroger. Tu es obligé de faire précéder. Lorsque tu veux t'interroger sur une chose, demander une chose, tu es obligé de faire précéder cette chose. Donc, on dit ouais. Mais ça, en fait, c'est une qaïda, c'est la boudda. On peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Parce que ça, c'est une chose, c'est même hata en français. Est-ce que tu fais, tu vois, bon des fois nous on parle mal, mais sinon c'est le truc, c'est tu fais précéder la chose, l'outil interrogatif là, d'accord. Ensuite tu ramènes la phrase. Est-ce que pour qu'il sache, dernier, qu'est-ce que tu veux? Bon ça c'était simple. Vas-y fais le dernier là, le septième, ah, le numéro 7, fais le numéro 7. Ouais je sais, mais pour ta part, histoire de voir si jamais c'est compris quoi, à travers les exercices. تمام مؤذن وتلك حديقة حديقة التاجر تمام il fait moi une analyse grammaticale de هذا بيت المؤذن il y a trois choses là 1 2 3 et je veux que tu me donnes un arabe yani ça c'est sa définition moi je veux son emploi dans la phrase son emploi dans la phrase ouais. Hada ici il est mubtada. Il est mubtada. Tamam. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Qu'est-ce qui m'a fait dire ça? C'est que hada baytu mu'addin. Ah. On sait que hada, ce qui est voulu par hada, c'est quoi? C'est la bayt. Du mu'addin, c'est-à-dire le mu'addin, c'est un truc en plus. Tamam. Non, non, t'aurais dit l'information. Elle tourne autour de hada, de la chose que tu es en train de montrer. Et c'est quoi la formation? C'est le bait. Mais moi j'ai dit mu'addin, c'est une ah. formation en plus. En plus. Non. C'est une sifa. Non. Non. Attention. Regarde bien. Le mu'addin, non, mudaf ilayh. Donc hada, mubtada, baytul mu'addin, le tout c'est un khabar. Le tout c'est un khabar. Le khabar peut comprendre un ensemble de mots. Ah, ça peut, comme vous allez voir, ça peut même. On ne va pas rentrer dedans. À la kulli hal, un khabar. Ça peut être un ensemble de choses. Je croyais que c'était un mot. Beytul mu'addin. On va lire la leçon numéro 8 parce qu'il n'y a pas grand chose de... qui est rapporté, c'est que du vocabulaire. Ah oui, il n'y a pas grand chose qui est rapporté. Il est quelle heure là? 10h36. Vas-y. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف وفقه الله الدرس الثامن قال هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. Donc cette personne là, cet homme c'est un commerçant et celui-là c'est un نعم طبيب, c'est-à-dire un médecin. اسم التاجر محمود, le nom du commerçant est محمود. واسم الطبيب سعيد, et le nom du médecin c'est سعيد. هذا البيت للتاجر. Tamam. Si jamais je vais faire une annexion, comment je dirais là? Là, il a dit هذا البيت للتاجر. هذا بيت التاجر. C'est-à-dire, j'enlève le harf jar et je le fais sous-entendre. هذا بيت التاجر. Si jamais je ne veux pas le faire sous-entendre, je le fais apparaître. لم تملك. Parce que التاجر يملك. Il peut. Tamam. قال وذلك البيت للطبيب. كذلك. Si jamais je vais faire une annexion, je dirais j'enlève le lam jar et je fais l'annexion entre les deux. بيت. Tu peux, ça y est, ça. Tu peux exprimer une possession, tu peux exprimer par en le faisant, parce que c'est sous-entendu. C'est si tu veux, tu le fais entendre, si tu veux, tu le fais pas entendre. Et les deux, c'est facile. Les deux, c'est éloquent, tu vois. C'est pas, ça fait partie de l'éloquence dans l'arabe. قال بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. Donc on a vu, là il y a deux nouveaux ظرف مكان. On a vu un, c'était تحت. Vous vous rappelez? Maintenant il y a أمام وخلف. Amam c'est devant, Amam c'est devant et Khalf c'est derrière. Donc Baytu Tajri Amam al-Masjidi, la maison du commerçant est devant, où elle se trouve devant le masjid, et Baytu Tabibi Khalfa al-Madrasati, et la maison du médecin elle est derrière l'école. Liman hadhihi as-sayyaratu, liman hadhihi, n'am, liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilk. À qui appartient cette voiture et à qui appartient l'autre voiture? Tamam. Donc l'avant-dernière phrase, ou la troisième en partant de la fin, liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilk. À qui appartient cette voiture, à qui appartient l'autre voiture, celle-ci? Hadhihi as-sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajir. Cette voiture-là, elle appartient au médecin et l'autre, elle appartient au commerçant. Hadhihi as-sayyaratu min al-Yaban wa tilka min Amerika. Cette voiture provient du Japon et l'autre provient de l'Amérique. D'Amérique plutôt. Donc là, ce qui est voulu dans la leçon, là, c'est, il vous a ramené un nouveau truc, c'est Amam, ou Khalf. Yani, complément circonstanciel de lieu. CCL. Ça me rappelle les souvenirs. J'aime bien la grammaire française. Ouais. COD, CDI, épithète, attribut, mais j'ai tout oublié. J'aime bien. Complément de. Parce que c'est la même chose que le français. Je crois qu'il y avait un truc de moyen ou je sais plus quoi là. De manière. C'est la même chose que tu vas trouver. Maf'ul bihi. C'est COD. Après, tu as ce qui est indirect. C'est ce qui est mughayyir sira. Après, tu as le CCL. On va le voir, c'est comment ça s'appelle. Maf'ul fi. Un de lieu. Après, tu as maf'ul bihi. Ça, c'est de moyen. Maf'ul de manière. Là, c'est du complément de manière. Maf'ul ajdi. La même chose. Les mêmes trucs. Sauf qu'après, il faut juste que tu remplaces comme ça. Et le deuxième truc, c'est quand il va vous montrer, parce que là, on avait vu les mots là, c'était des mots qui étaient quoi? Mu'arab. C'est-à-dire quoi le mu'arab? C'est les mots dont la terminaison, elle est capable, yani, de changer. elle est capable de changer d'une situation à une autre. Maintenant, si jamais je ne rentre pas un harf jar, le asl dans l'ism, c'est qu'il est marfa. Maintenant, je dis el beytu. Je rentre le harf jar, fi, tamam, fil beyti. Le fait qu'il a été changé là, de tout à i, par le sebab du ramin qui est fi, c'est fi qui a porté l'action sur le beyt, qui a fait changer la terminaison. Ça, on appelle ce mot-là, il est mu'arab. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de changer. La terminaison, elle change. À partir du moment qu'elle change, cette terminaison-là, on appelle ça mu'arab. Mabni. Ça trouve quoi? Là, ce que tu as dit, mu'arab. Mu'arab, là, justement. Mu'arab, c'est-à-dire que c'est une chose qui peut bouger, qui peut être modifiée. La fin peut être modifiée, ça? Ah, c'est beyti qui peut être modifié. Ah ouais, le beyti, c'est la fin. Ah, tu vois? Là, non, non. Il fait, ouais, c'est lui qui est venu, qui a changé la terminaison du ou en i. T'as même? Mais cette chose-là, là, puisque l'i'rab, il dit aussi parmi les sens du i'rab, c'est quoi? Yani, at-tagayyur, at-tagayyur. C'est qui fait changer. C'est pour ça qu'ils ont appelé, ils ont nommé le i'rab, ils disent c'est tagayyur awakhir al-kalimat li sababi al-amil al-dakhilati alayhi. Yani, donc il dit c'est le changement. L'i'rab, c'est quoi? C'est le changement, la modification qui va t'apporter à la terminaison du mot par la cause, yani, d'une chose qui l'aura précédé. La chose, une chose qui l'aura précédé. C'est pas toute chose qui fait changer comment ça s'appelle, la terminaison, mais certaines choses. Donc à partir du moment où le mot il change, la terminaison change, tamam, de ou en i, de a et tout ça, ça s'appelle mu'arab. C'est-à-dire que c'est un mot qui peut être modifié. La terminaison peut être modifiée. Et son opposé, c'est quoi? Al-mabni. Mabni, c'est celui qui, yani, comme ils disent, yani, l'uzum wahid. Yani, il reste tel quel. Tu rentres ce que tu veux à la fin. Tu rentres ce que tu veux. Tamam? Tu rentres ce que tu veux dedans, il ne bougera pas. Tamam? Il ne bougera jamais. Mathalan, l'imen. Mathalan. Quand tu dis l'imen hadhi, on a rentré le lit dans men. Tamam? Est-ce que ça l'a changé? Non. Il ne change jamais. Tu rentres lit, tu rentres fi, tu rentres an, tu rentres ce que tu veux dedans, il ne changera jamais. Pourquoi? Parce qu'il est mebni. Une chose qui est mebni, c'est comme un édifice qui ne bouge pas. Tamam? Il ne bouge pas. Il va pas changer. Donc, tu as deux. T'as le mebni, ce qui ne bouge pas jamais, quoi qu'il en soit, et t'as le mu'arab. Et on va le voir, t'en as un qui est entre les deux. Il est mu'arab, mais dernier arab, dernier d'un changement, qui est sous-entendu. Ça va arriver tout de suite. Vous allez voir, c'est simple. On va l'expliquer vite fait. Donc, amam et khalf, ça c'est simple. Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Top. حتى يديز النحاء جنيون يدي لي غراميريان سو سون دي جين يرون ما لا ترون اي فواي دي شوز كي توي تو با لي سوز انتاندو لي كاتات لي سارت كوم لي جين اي دواي توي تو لي با انهم يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الشيخ ابو بلال الحضرمي الله لا Dans le sens où ils voient des trucs sous-entendus et les machins comme ça, tu vois. Après, ils disent, eux, c'est des djinniyens, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Donc, il y a Amam et Khalf. Donc, Amam, Zarfu, Makanin. C'est la même chose. Et le deuxième, c'est pareil. Le deuxième c'est pareil. Donc amam, ça veut dire pour exprimer un lieu devant, un lieu qui est devant toi, et khalf, un lieu qui est derrière toi, ou derrière une chose. Donc ça c'est simple. Ajouter avec tahta. Après il reste quoi? Il reste fauk. L'opposé de tahta c'est fauk, il manque. Il reste après droite gauche. Fauk tahta. Yamin shimal. Zarfou. ظرف مكان ظرف زمان 45 une chose qui exprime un lieu. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك مع تحيتي دماج.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمة من شيعة او حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابي